cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Mada akhadna fi al-dars al-akhir? Ruqyat Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah wa fi al-jannah lil-mu'min. Mada qala Sheikh al-Islam fi al-lamiyya? نعم وإلى السماء بغير كيف ينزل نعم والمؤمنون يرون حقا ربهم فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية la vision d'Allah عز وجل في الآخرة أي يوم القيامة في أرض المحشر quand les gens ils seront jugés et كذلك في الجنة donc à deux endroits. فما الدليل أو c'est quoi la croyance des gens de la sunna على هذا عند من تفضل ليس رؤيتي في قلبه فما هي عقيدة أهل السنة عقيدة يعني هذا رؤيتي كما يرون القمر نعم من يزيد تفضل يوم القيامة سنرى ربنا إن شاء الله يعني برؤية يعني تتم يعني كالقمر رؤية حقيقية بصرية رؤية بصرية أي بالبصر حقيقية فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب دونك La croyance des gens de la sunna, al-mu'minin, les croyants, ils verront Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah et fil jannah, avec leurs yeux. Une ru'ya haqiqiyya, c'est pas avec le cœur comme ils disent Ahl al-Bida' et kadhalik al-mu'attila, ils ont complètement nafaw. Ils ont démenti, ils ont dit anna al-mu'minin, ils peuvent pas voir Allah Azza wa Jal. Hada c'est batil, et incha'Allah ça yati ma'ana al-rad ala ha'oula. أولا ما الدليل؟ C'est quoi la preuve أن المؤمنين سيرون الله عز وجل تفضل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ما وجه الاستدلال Ce verset الله سبحانه وتعالى يقول أن une catégorie de personnes y aura un hijab entre eux et الله عز وجل ils verront pas الله سبحانه وتعالى لكن من أين أخذت أن المؤمنين يرون ربهم avec ce verset لأن ce verset il n'y a pas la رؤية ce verset il y a أن certaines personnes ils verront pas Allah عز وجل لكن لماذا il l'a cité هنا تفضل لأن إذا شخص لا يرى الله اليوم القيامة نفي الرؤية عن هؤلاء on verra que c'est pas نفي الرؤية On verra qu'il y a un khilaf بين أهل العلم. Est-ce que les kuffars y verront Allah? Est-ce que les munafiquons y verront Allah? لكن هذا الحجاب, ça démontre أن المؤمنين y verront Allah. Si certains y verront pas Allah عز وجل à un moment donné, ça montre que les autres ils le verront. أي من المؤمنين. Un verset plus clair. أي من حيث النبيه الرؤية. عندك؟ نعم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي هؤلاء يذرون النظر سيكم الرؤية بالبصر يذرون الله عز وجل ومن السنة دي أحاديث واضحة في هذا الباب وانا سيتي بلوزيور في الشرح عندك عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون رؤيته في رؤيته نعم في الصحيحين متفق عليه أحسنت إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر هذا الحديث يمونتر كليرمون أن المؤمنين يذيرون الله عز وجل كم يواي القمر et on a expliqué أن هذا الحديث et كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين et d'autres preuves أن النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé cette vision avec القمر ou le soleil et on a démontré أن هذا c'est pas من التشبيه أبدا معاذ الله النبي صلى الله عليه وسلم il est منزه عن هذا il est معصوم عليه الصلاة والسلام عن هذا لكن c'est quoi la réponse لأن البعض ربما لا يفهم ils disent comment on a vu auparavant que التمثيل c'est interdit de faire ressembler et l'un de ce hadith en apparence c'est une ressemblance فما الجواب ما الجواب عن هذا تفضل التمثيل ليس على كيف بين الله والقمر نعم التمثيل ليس تمثيل الله سبحانه وتعالى بالقمر أبدا ça c'est du كفر النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا قوله إنكم سترون ربكم كما ترون فللتشبيه لفي ماذا نعم التشبيه لفي نعم لفي نعم في الرؤية أي يرون الله سبحانه وتعالى كما رأوا القمر فالفيزيون vision c'est la même لكن le, ce qui est visionné comme on a dit et la chose qu'ils ont vu fit dunya al-qamar c'est pas comme la, ce qu'ils verront yawm al-qiyama et Allah subhanahu wa ta'ala abada donc التشبيه تشبيه رؤية البصر برؤية البصر لا بالمرئي donc العلماء يقولون أن التشبيه لبي الرؤية لا بالمرئي الرؤية c'est la vue la vision المرئي c'est ce qui est vu في الدنيا القمر et le soleil et في الآخرة الله سبحانه وتعالى هذا إن شاء الله c'est compris et on est arrivé à أن أهل البدع نعم نفوا هذه الرؤية قال الشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى وقد نفى أهل البدع الرؤية ولهم في ذلك بعض الشبه منها قوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل لن تراني سس الشاهد وقالوا لن تفيد تأبيد نفي الرؤية وقد رد أهل السنة على استدلالهم من وجوه وستعرفي هنا فأهل البدع comme on avait cité précédemment أنهم دائما pour appuyer leur بدعة ils cherchent des preuves من الكتاب ومن السنة pour appuyer leur بدعة et ça c'est من طريقة أهل الزيغ والإنحراف comme on a dit يعتقدون ثم يستدلون et ça c'est une très très grave erreur الإنسان قد ينحرف c'est une cause d'égarement أن واحد il croit en une chose ou il affirme une chose ou il s'avance ثم il cherche un délit ça c'est pas من طريقة أهل السنة في شيء pourquoi لأن celui qui fait هذا عياذا بالله il va essayer d'appuyer son égarement en cherchant un délit alors que normalement tu dois pas croire أو parler في دين الله أو agir sauf si tu as une preuve أما هؤلاء ils ont fait l'action ça soit une action du cœur ou des membres la langue ou un fi'l ثم ils cherchent un délit فمثلا هؤلاء on a déjà expliqué leur égarement في باب الصفات فإذ ont nié ils ont rejeté هذه الرؤية pourtant il y a des adillah claires ثم ils ont cherché un dalil qui va appuyer leur qawl un argument en leur faveur فالحذر من هذا نحن في attention الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله الإمام البخاري كما تعلمون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى ستة في ثلاثة الأصول أنه قال الإمام البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل et ça c'est un manhaj طيب pour le mu'min pour talib al-ilm khassa, annahu da'iman, avant de prendre un avis, que ça soit fil fiqh, que ça soit fil aqida, que ça soit fi rajulin, dans n'importe quelle mas'ala, ne t'avance pas. Awwalan, étudie. Khassatan, عند الفتن خاصة عند الخلاف surtout quand il y a une fitna, une divergence, plusieurs avis. فأنت لا تستعجل, لا تستعجل, لأن si tu te précipites, فربما tu vas choisir cet avis que tu as choisi pas parce qu'il y a une preuve là. كما يفعل بعض الناس, إما ils choisissent entre guillemets la sécurité, il veut pas contredire un tel et un tel, donc il va choisir le قول pour lui c'est plus sûr. أو بعضهم le plus grand nombre, ou بعضهم ce qui est plus simple pour lui. هذا c'est من الهوى. لأن الحق ça peut être autre. Le حق ça peut être une minorité qui a suivi ce حق. Ça peut être quelque chose qui est plus difficile que l'autre avis. نعم, ça peut être un avis autre que celui de ton cheikh ou de ton professeur ou de tes amis ou du pays où que tu vis. فعلى كل حال أنت tu dois toujours étudier المسألة ثم tu tranches avec Ad-Dalil. Bien sûr, celui qui a la capacité. Celui qui n'a pas la capacité, il doit être objectif, sincère et revenir à Ahl al-Ilm. Et il demande. Il demande s'il n'a pas compris. Hatta, inshallah, si le qawl il lui est clarifié, il prend le qawl qui est fondé sur Ad-Dalil. Ça ne veut pas dire que celui qui ne sait pas forcément, il va suivre aveuglément. Là, s'il peut demander, il peut rechercher. Il peut lire les deux avis. Thumma, il tranche en demandant à un savant de la sunna, fahadha tayyib. Et celui qui ne peut pas, fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakin ad-din il est yusr. La plupart des masa'il, c'est simple. Fal haqiqa, il faut faqad de l'objectivité et de la sincérité. Et demander à Ahl al-Ilm. Et tu verras que la plupart des masa'il, incha'Allah ta'ala, al-burhan il est wadih. Lakin ahiyanan, ça vient de nous. Une faiblesse dans la langue arabe ou une faiblesse dans la compréhension ou un manque d'objectivité ou de sincérité, ثم ce sujet devient compliqué. أما الدين il est واضح, الدين il est يسر, الدين il est très simple. لكن ça dépend de la personne. Robama, il y a un obstacle entre lui et cette vérité. فالحذر, et parmi les obstacles c'est هذا, de prendre position, ثم d'essayer de chercher un délil pour appuyer sa position. Hada c'est min al-hawa. L'an al-haq il est arfa' et il est aqwa min al-rijal. Al-haq ça doit passer avant. Fa ha'ula waqa'u fi hada. Ils ont eu une position annahu on ne peut pas voir Allah Azza wa Jal, pour eux c'est mumtani'. Ils ont cherché et ils ont trouvé ce délil. Qala Azza wa Jal, qala lan tarani walakin indhur ila al-jabal. Lan tarani, ay tu me verras pas. لكن انظر الى الجبل لكن regarde en direction de la montagne. قصة موسى معروفة في سورة الأعراف في سورة طه الكل. وقالوا qu'est-ce qu'ils ont dit أهل البدع, لن تفيد تأبيد نفي الرؤية. Et ça c'est une mas'ala en langue arabe. Le حرف لن c'est حرف نفي للتأبيد pour eux. Ça veut dire quoi التأبيد? Ça veut dire toujours. لن c'est un نفي. مثلا هنا نفي الرؤية لن تراني. النفي il ne le verra pas. Pour eux لن c'est للتأبيد أي pour toujours, c'est à dire que il verra jamais Allah Azza wa Jal ni في الدنيا ni في الآخرة. Donc ils ont dit si Moussa il verra pas Allah Azza wa Jal, les croyants كذلك, et ils sont appuyés sur ça pour dire que on peut pas voir Allah Azza wa Jal. أهل السنة علماء الإسلام, ils ont répondu à Ha'ula al-Dhullal avec plusieurs réponses. Parmi ces réponses, qala wa qad radda ahl as-sunnah 'ala istidlalihim min wujuh. Awalan, talaba Musa 'alayhi as-salatu was-salam ru'yat Allah wa la yas'al Allah 'azza wa jalla shay'an muhalan. Et ça c'est important. Anna Musa, comme dans la qissa, il a demandé à Allah 'azza wa jalla de le voir. Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu qala lan tarani. Ahl as-sunnah ils ont dit que Moussa s'il a posé cette question, c'est que la vision elle n'est pas impossible. Ça serait une question déplacée ou impossible, Moussa il n'aurait pas demandé. Fahada awwalan, Moussa il a demandé une chose possible. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala qala lan tarani, Aïe, tu ne me verras pas. Aïe, à cet instant. Fait dunya, tu ne me verras pas. Pourquoi ? On explique annahu c'est fi dunya parce qu'on a des autres délils qui des autres adillah qui démontrent que fil akhira ils le verront. Moussa alayhi salatu wasalam wal mu'minun. Et ça كذلك ça te montre une règle importante inda ahli sunnah anna quand tu as un sujet à traiter prends tous les délils, tous les adillah, toutes les preuves. Ne prends pas qu'un côté. Li'anna il y a des preuves qui expliquent d'autres. Fi ilm al-usul, vous apprendrez, incha'Allah ta'ala, anna y a des versets, ils sont muhkam. Il y a des autres, ils sont mutashabih. Il y a des preuves, que ce soit des hadiths ou des versets, ils sont généraux. Tu as des autres preuves, min al-kitab ou min al-sunnah, ils précisent cette généralité. Kadhalik, tu as ce qu'on appelle an-nasikh wal-mansukh. L'abrogeant et l'abrogé. Tu as beaucoup de règles. Al-Ba'd il se trompe, pourquoi ? Parce qu'il prend un délil et il fonde tout son avis sur ce délil et il délaisse le reste. فَمَتَلًا لَوْ وَحَدْ il prend que ce délil قَالَ لَنْ تَرَانِي فَرُبَّمَا il a du mal à comprendre. لَكِنْ نَحْنُ on sait que Al-Wahi, la révélation d'Allah Azza wa Jalla, il n'y a aucune contradiction. Et ça c'est une règle كذلك. اِعْلَمْ الآيات والأحاديث الصحيحة يا أكن كونتراديكسيون بوركوا لأن القرآن et la sunna ça fait partie de la révélation d'Allah عز وجل donc il y a aucune contradiction. Si une contradiction en apparence ça vient de nous comme on a dit imma un manque d'objectivité imma une faiblesse en langue arabe imma un problème de compréhension imma précipitation. هذا اما si les preuves elles sont authentiques il n'y a pas de contradiction. فالان on a des preuves qu'on a lu dans le dors précédent قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة et beaucoup d'autres versets qu'on a lu كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم. Donc dans ce verset un nafi لن تراني et dans d'autres إثبات. فأهل السنة ils ont des règles في هذا. Ça te montre que ce nafi il a un moment précis لن تراني أي في الدنيا. Pourquoi ? Parce que les autres preuves, ils démontrent que les mu'minoun, ils verront Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Il y a l'unanimité des savants de la sunna à la had. Lakin ta'alamoun ahlul bid'a. Ils se sont égarés via des mas'ala ou fi ghayriha. Donc, premier rat, anna Moussa, il a demandé quelque chose de possible. Lakin fi dunya la. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal qu'al l'antarani. Amma la vision, elle est possible. Yawm al-qiyamah et fi al-jannah. هذا أولا ثانيا أن الله لم ينكر عليه سؤاله ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله رد طيب كذلك أن الله عز وجل ما أنكر على موسى أي لا pas réprimandé موسى pour cette question comme il l'a fait عز وجل avec نوح quand نوح il a demandé que son fils il soit sauvé قال عز وجل فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله عز وجل قال لنوح النبي الرسول عليه السلام il lui a dit ne me demande pas une chose dont tu n'as pas connaissance. ثم قال عز وجل إني أعظك أن تكون من الجاهلين إنكار من الله عز وجل على نبي الله نوح عليه السلام. أما في الرؤيا quand موسى il a demandé فالله سبحانه وتعالى ما أنكر عليه بل قال انظر إلى الجبل إلى آخر القصة أي pourquoi لأن الجبل ما تحمل رؤية الله عز وجل الجبل il a été pulvérisé أي في الدنيا tu comprends من هذا أن في الدنيا l'être humain il peut pas voir الله عز وجل لأن الجبل une montagne elle a pas pu voir. Elle n'a pas pu, elle a été pulvérisée. Ma tahammalat. Amma fil akhira, c'est autre chose. Fil akhira, Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera une qudra à ses croyants, annahum, ils pourront voir. Falihada, idha uzila al-hijab, quand le voile il sera retiré, ils verront Allah et ça leur fera pas de mal. Contrairement à fil dunya. Donc, ahkam al-dunya wa ahkam al-akhira, c'est pas les mêmes. C'est pour ça que le croyant, يوم القيامة il goûtera plus à la mort et fil janna le mu'min il goûtera plus à la maladie à la fatigue au sommeil au stress là il goûtera plus à tout ça لماذا لأنه c'est des autres ahkam il a un corps, annahu, il pourra patienter sur des choses, et les choses qui lui feront du mal, fait dunya, lui feront plus de mal, fait l'akhira. Fa'ala hada, il pourra voir Allah, azza wa jal. Tout ça, bi'idnillah, subhanahu. Thalithan, troisièmement. Annahu qal lan tarani, wa lam yaqul la ura. Et ça, c'est une différence en langue arabe. Lan tarani, c'est pas comme la ura. La ura est je ne serai jamais vu. Allah, il n'a pas dit la ura. Il a dit lan tarani. Ahlul bid'a, ils ont dit que lan, huna, c'est le ta'bid. Pour eux, c'est pareil. Lan tarani, ay, tu ne me verras jamais. Lakin, al-haqqo, c'est autre que hada al-qaw. Et il va appuyer avec adillah. Qal wa hada yadul ala annahu yajuz alayhi ar-ru'ya wa innama nafa ru'yatahu fi ad-dunya. Et on a expliqué pourquoi on différencie entre dunya et l'akhira. On a des textes qui démontrent que la vision, elle n'est pas possible fi ad-dunya, et des textes qui montrent que la vision, elle sera yawm al-qiyamah. Donc il y a une différence. Quatrièmement, al-an, il va appuyer sur l'an. Les annahum, ils ont dit l'an, c'est le ta'bid. At-ta'bid, ça vient, vous connaissez un mot qui a la même racine, c'est abadan. Khalidina fiha abada. Aïe, pour l'éternité, c'est ça, ta'bid. Ta'bid, c'est toujours. Donc, pour eux, l'an, yufid at-ta'bid. Aïe, nafia, l'it-ta'bid. Aïe, jamais ils verront Allah, azza wa jal. Ahle sunnah, ils ont répondu, qalou, qawluhum l'an, tufid at-ta'bid, wa dhalika yadul ala nafia ru'ya fil akhira, qawl fasid. C'est un qawl fasid. Il contredit les textes. Et il va citer parmi ces textes pour montrer que l'an, c'est pas les ta'bid. Qala, fa'innaha law quyidat bit ta'bid, la yadul ala dawam an-nafi fil akhira, fa'kayfa idha utliqat. Na'am, fa'innaha law quyidat bit ta'bid. Même s'il y aurait dans le verset, ou dans un texte, le mot quyidat bit ta'bid est toujours, ça veut pas dire que fil akhira, ça aurait le même hukm là, lianna ahkam al-akhirah wa ad-dunya, c'est différent. Lakin huna utliqat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas cité at-ta'bid là, qal lan tarani faqat. Donc je comprends min hada, qal law quyidat bit-ta'bid la yadul ala dawam an-nafi fi al-akhirah fa kayfa idha utliqat qala ta'ala wa lan yatamannawhu abada. Méditez sur ce verset. Wa lan yatamannawhu abada. Hada fi Al-Kuffar et al-Yahoud, annahum, jamais ils espéreront la mort. Al-Halak. Fi surat al-Baqara. Wa lan yatamannawhu abada. Aïe, ils demanderont jamais contre eux-mêmes la mort. Ma fiha abadan, huna. Vous avez remarqué qu'il y a abada. Aïe, al-abad, c'est toujours l'éternité. Thumma qala azza wa jal, ta'ammalu. Bien là, je vais vous demander l'an. Pourquoi il cite ces deux versets? C'est un rad ala haoula. Ma'a qawlihi ta'ala wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk qala innakum makithun. C'est quoi le lien? Ils vont venir où l'an? Wa lan yatamannawhu abadan. Aïe, ils demanderont jamais, ils espéreront jamais la mort. Thumma qala azza wa jal wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk. Quand ils seront fin nar, Haoula al-Kuffar, fi dunya, jamais ils voulaient la mort. La. Hakad al-Kuffar, ils ont peur de la mort et ils veulent jamais, ils demanderont jamais pour eux-mêmes la mort. Lakin, quand ils seront fin nar, qala azza wa jal, wa nadaw ya malik, ils appelleront malik. Malik, c'est khazinun nar. C'est celui qui gardera l'enfer. Un malik, min malaikatillahi azza wa jal. Fa, ils lui demanderont ya malik, ou nadaw ya malik, li yaqdi alayna rabbuk. Al-Qadha, c'est qu'Allah, il nous extermine. Qu'est-ce qui s'est passé, l'un, les deux versets? Là, nous, l'un, on est fil l'an. Houa, il t'a cité ces deux versets pour te montrer l'an. Les mains, là. On a vu qu'il y a une contradiction. Faddal, explique. Il dit que ils ne vont jamais mourir, ils espéreront jamais la mort. Pourtant, il y a l'an, annahaula, al-mubtadi'a, ils disent que c'est pour ta'bid toujours, et en plus, dans le verset, il y a abadan, c'est appuyé. Donc, on a, on dit les ta'bid. Ma'a hada, Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk. Pourtant, quand ils le demanderont, ça te montre que l'an, ce n'est pas pour le ta'bid. En langue arabe, tu emploies le mot l'an, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Donc, on revient à l'an. Si les deux versets sont clairs, Allah subhanahu wa ta'ala, قال l'an, يتمنوه أبدا. ثم Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré à Nahum, ils espéreront la mort. Quand ils seront finnar, ça sera très difficile. Ils demanderont à Malik qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les exterminer. Ils en pourront plus du châtiment. Ça te montre qu'ils ont changé. Donc le lan, c'est pas pour toujours. Al-an, on revient à notre verset. قال عز وجل لن تراني. Est-ce que ça veut dire que في الآخرة كذلك ils ne le verront pas là? لأن si, comme ils ont fait ha'oula, ils veulent employer la langue arabe. Si on emploie la langue arabe, lan, c'est pas forcément les ta'bid. Et on a la preuve avec les deux versets. من سورة البقرة من سورة الزخرف. هذا الكلام نقله من ابن أبي العز شارح الطحاوية يسمى من أنفس وأنفع الكتب في الاعتقاد شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله c'est parmi les livres les plus profitables في العقيدة et la cité à la fin on dort شرح الطحاوية قال on continue ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء مع ذلك فقال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي رب أبي نعم فلن أبرج الأرض حتى يأذن لي أبي vous avez remarqué que هنا فلن أبرح الأرض donc il y a un نفي لكن il a mis un استثناء حتى يأذن لي أبي sauf si mon père il me donne l'autorisation. Ça montre que le lan, il n'est pas l'ittabid. Il y en a, s'il a l'autorisation, il fera cette chose. Ça te montre que le lan, ce n'est pas l'ittabid. Ibn Abi al-Iz, il cite ces choses pour montrer que le lan, ce n'est pas pour l'ittabid. Donc, leur argument, Allah, il a dit à Moussa, lan tarani, pour eux, c'est la vision, elle n'est pas possible. Même fil akhira, c'est batil. L'anna lan, la yufid l'ittabid. Même s'il est appuyé par abadan. Que dire s'il n'y a pas le mot abadan? Comme dans notre verset, min surat al-A'raf, lan tarani. فهذا رد قوي ابن أبي العز رحمة الله عليه. كذلك ابن أبي العز إلى سيدة لابغول ابن مالك إمام في النحو. vous connaissez tous ألفية ابن مالك من أئمة النحو إلى ألفية une poésie célèbre في النحو. يقول إمام dans la langue arabe. يقول قال ابن مالك رحمه الله في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضدا. Et ceux qui disent que l'an, man ra'a un nafi bilan mu'abbada, que l'an, c'est un nafi li ta'bid, fayaqul, faqawluhu rdud, wa siwahu fa'duda. Et il rejette sa parole. C'est un qawl batil. Et bien sûr, on a vu ensemble, wallahi alhamd, une preuve, min al-Qur'an, an l'an, c'est pas li ta'bid. Et al-Kuffar, al-Yahoud, ils ne veulent pas la mort, ils ne se souhaiteront jamais la mort. Qalu, thumma fil akhirah, ils se sont souhaités. Hada. قال ومن شبههم donc premier point leur argument لن تراني on a répondu ولله الحمد en lisant la parole de Ibn Abi al-Iz que الشارح il a rapporté ici en 4 points deuxième استدلال ومن شبههم في نفي الرؤية قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار كذلك يا نفي بلا لكن si vous comprenez le verset, fal haqiqa, il n'y a pas al-ru'ya. Il y a une différence entre ru'ya et l'idrak en langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit la tarahu al-absar. Là, il a dit la tudrikuhu. Al-idrak, c'est plus fort. Al-ru'ya, tu peux la traduire par la vision, et al-idrak, tu peux traduire par cerner. Tu peux voir une chose sans cerner cette chose. Tu vois une chose de loin, matalan, nahnu, on voit la lune. On voit le soleil et on n'a jamais cerné. On ne sait pas la chaleur, la longueur, comment c'est à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses, on ne sait pas. On ne peut pas cerner. On voit, faqat. Enfin, il y a une différence entre voir une chose et cerner une chose. Allah subhanahu wa ta'ala nafa al-idrak. Et ça, Ahl al-Sunnah, ils le disent. Lakin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ru'ya. Qad ajaba anhum Ahl al-Sunnah bi anna al-idrak huwa al-ihatatu bil-shay. Ay, cerner une chose de toutes parts, c'est ça. C'est ça l'idrak. Wa hadha samanfi va citer des versets. La yuhituna bihi ilma qala azza wa jalla. Bi anna al-idrak huwa al-ihata bi shay wa huwa qadrun za'id 'ala ar-ru'ya. Donc c'est plus fort que ar-ru'ya. Donc al-manfi est-ce qu'on rejette cet idrak, pas la vision. كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. نعم. Donc il a cité ce verset pour démontrer من معاني الإدراك. فلم ينفي موسى الرؤيا وإنما نفى الإدراك. نعم قال كلا. أي هؤلاء قصة فرعون avec موسى. Quand Moussa s'est enfui avec son peuple et ils ont voulu les rattraper, est-ce qu'ils les ont rattrapés là? Pourtant, ils les voient. Léana, tu peux être proche d'une chose, tu la vois, lakin la tudrikuha. Donc il y a une différence. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا. Moussa, il a dit là. Même s'ils les voient, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur ouvrir une porte. Et sahih, Allah subhanahu wa ta'ala, la mer elle s'est ouverte en deux, et Moussa et son peuple ils ont traversé, et Fir'aoun wa junuduhu, ils ont été noyés. Qala, falam yanfi Moussa ar-ru'ya wa innama nafa al-idrak, far-rabb ta'ala yura wa la yudrak kama yu'lam wa la yuhatu bihi 'ilman. Na'am, كذلك, on sait que Allah il existe, on sait qu'il a des sifat, lakin est-ce que on a connaissance de tout? Al-kayfiyya etc. Là. Donc il y a une différence entre العلم والإحاطة. Et il y a une différence entre الرؤية والإدراك. C'est important هذا. Et ça, ça montre l'importance de maîtriser la langue arabe. Et كذلك l'importance d'être précis dans la compréhension des textes. ربما بعضهم يستعجل لا تدركه الأبصار. Ils disent, ils ont vu le mot أبصار, ils comprennent qu'on ne peut pas le voir. Là, Allah, il n'a pas dit on ne peut pas le voir. Il a dit لا تدركه. Et l'إدراك, c'est quelque chose de زائد على الرؤية. وقد قيل أيضا في الجواب عنهم إن النفي إن نفي الإدراك الذي في الآية إنما هو في الدنيا لا في الآخرة والجواب الأول الأول هو المعتمد. نعم لأن نفي الإدراك si on dit que لا تدركه الأبصار c'est في الدنيا pas في الآخرة comme on a répondu pour le premier verset, il y aura un إشكال لأن حتى في الآخرة il y aura pas d'إدراك لأن الله سبحانه وتعالى il est أعلى et أكبر عز وجل. الأول المعتمد c'est le premier. أن il y a une différence entre l'idrak et l'ru'ya. قال انظر شرح الطحاوية وتفسير ابن كثير. نعم, quand tu veux comprendre un verset, une des références c'est تفسير ابن كثير. Ça soit l'aqida ou autre, tous les versets du Coran al-Karim. فتفسيره c'est من أحسن التفاسير. Quand tu veux comprendre une masala في العقيدة, فهذا الكتاب شرح الطحاوية. Il englobe la plupart des masala. لكن avant de comprendre et pouvoir lire, il faut certains outils, bien sûr, la langue arabe, avoir fait des livres en aqida plus simple pour pouvoir comprendre هذا الكنز. فشرح الطحاوية c'est un kitab nafis جدا. ثم بعد ذلك, il va conclure ce chapitre avec cette mas'ala. Une mas'ala que l'ulama y cite. Est-ce que la vision, c'est pour tout le monde? Quand on dit tout le monde, on va citer trois catégories de personnes. Al-mu'minun, il n'y a aucun ishkal. On a vu les preuves, les croyants, ils verront Allah yawm al-qiyamah et fil jannah. Kadhalik, la deuxième catégorie, al-kuffar, al-yahoud, al-nasar, al-mushrikun, tous ceux qui sont morts à la ghir l'islam. Et troisième catégorie, al-munafiqun. Ils ont fait apparaître l'islam et fil haqiqa, c'est des kuffar. Donc tu as trois catégories. Mu'min, kafir et munafiq. كذلك, il faut comprendre et on rappelle une chose, أن لأن on en aura besoin pour comprendre cette مسألة, أن الرؤية elle est في موضعين, ça sera à deux endroits. C'est important de comprendre هذا. Pourquoi? لأن الرؤية في الجنة il y a aucun إشكال. لماذا? نعم, لأن الكافر المنافق il rentre pas في الجنة, il y a aucun problème. Donc الرؤية في الجنة c'est que pour le مؤمنين, il y a pas de خلاف في هذا. Pourquoi les anna al-munafiq al-kafir, il ne rentrera pas fil jannah. Donc on ne parlera pas, est-ce qu'ils verront Allah? Ils ne rentrent pas aslan. Deuxième endroit qu'on a vu, fi arasat al-qiyam. Aïe, cet endroit, cette terre où tout le monde sera rassemblé pour être jugé, fahuna, il y aura tout le monde. Il y aura le mu'min, il y aura le kafir, il y aura le munafiq. Donc fi had al-hal, est-ce que la vision, elle est réservée que pour les croyants? أو كذلك المنافقون والكفار. C'est cette مسألة que Cheikh Mohamed va citer الآن. Et nous allons essayer de simplifier. قال حفظه الله رؤية الله في أرض المحشر. Vous avez remarqué qu'il ne parle plus de l'jannah. L'jannah fil jannah, c'est que le mu'minoun, et on a cité les preuves, c'est clair. Al-an fi ard al-mahshar. Ard al-mahshar, c'est la terre où, on sera, où tout le monde sera rassemblé pour être jugé. تنازع الناس في هذه المسألة بعد 300 بعد 300 سنة من الهجرة. Il précise, أولاً, أن ce khilaf, il est apparu après l'époque des salafs. أما عند السلف, ils n'ont pas. On n'a pas de récit, ils ont cité cette mas'ala. Est-ce qu'ils verront, est-ce qu'ils ne verront pas? Donc ce khilaf, il est apparu après. Après les trois premiers siècles de l'Hégire. وَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَقَبْلَ ذِكْرَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ. Avant de citer le khilaf et les trois avis, il rapporte la parole de Cheikh l'Islam et elle est importante. قَالَ Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah رَحِمَهُ اللَّهِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَا عَلِمْتُ مِمَّا يُوجِبُ الْمُهَاجَرَ وَالْمُقَاطَعَ. Il précise, Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi, en a cette mas'ala, il y a un khilaf, même si c'est fait l'aqid, lakin, c'est pas une cause pour se faire le hajj, pour égarer la personne là. C'est un khilaf veina ahl al-ilm. Il y a des mas'ail fil l'aqid, mitle hadi, mitle kadalik, on peut citer un deuxième exemple. Est-ce que Allah il a créé la première créature qu'on connaît, est-ce que c'est l'arsh ou c'est le qalam? Il y a un khilaf veina ahl al-ilm que vous verrez dans Kutub al-Aqid. Des savants ils disent la première créature c'est l'arche, d'autres ils disent c'est le qalam. Al-Muhim, celui qui choisit un avis, on ne va pas dire c'est un égaré. La khalaf aqidat al-sunnah, c'est un mubtadi' là. Hadhihi al-masa'il, c'est un khilaf veina ahl al-ilm. Aham shay, c'est que tu choisis l'avis pour toi, tu es convaincu que le dalil, cet avis il est basé sur la preuve. Et ta'lamoun anna al-khilaf yahsul. Et on n'a pas tous la même compréhension. Certains savants ils vont dire que ce hadith il est sahih, d'autres va'if. Donc ça va impliquer une divergence. Ou, même la preuve elle est authentique et c'est la même, ou inversé, et tu trouves l'ulama yakhtalifun. Pourquoi il y en a la compréhension, c'est pas la même. Wahid il comprend ce verset avec cet avis, un autre il comprend avec un autre avis. Donc tant que le khilaf il est bayna ahl sunnah, l'insan la yata'assab, il n'exagère pas. Tout le monde doit suivre son avis. Celui qui ne suit pas son avis, c'est un égaré. Hada c'est min al-ghulu. Ça, c'est de l'exagération. Il faut bien savoir comment se comporter avec le khilaf. Il y a des choses là. Il y a des choses. Le hadith, il est clair. Le verset, il est clair. Il y a l'unanimité, mathalan, des savants. On n'a pas le droit. Wahid, il vient et il choisit un autre avis et il dit là, il faut respecter là. Ça, c'est de l'égarement. Il est obligé de faire tawba. Et s'il ne fait pas tawba, l'ulama, il montre son hal. Annahu, c'est un égaré. Ça dépend, ça peut être un kafir, ça peut être un innovateur, ça peut être un fasir. Al-Muhim, ça dépend de son égarement, ça dépend de cette chose qu'il a faite ou délaissée. Lakin, dans ce sujet, fala. قَالَ فَإِنَّ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِيهَا قَبْلَنَا عَامَّتُهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا مَنْ لَمْ يَتَهَاجَرُوا وَلَمْ يَتَقَاطَعُوا. Cheikh l'Islam, il démontre qu'en avant son époque, et bien sûr avant la nôtre, ceux qui ont divergé فيها, c'est, ils sont min ahl sunnah. Lakin, la compréhension, le ravi l'a divergé, fanahnu, on n'exagère pas. Fi hada, abadan. Fi hada ou fi ghayri hada. Al-an, il va citer les trois avis. Al-aqwal al-thalatha, hiya. Premier qawl, le qawl awwal, anna al-kuffar, la yirawna rabbahum bihal, la lal-mudhiru lil-kuffr, wala al-musirru lah. Wa hada qawl akthar al-ulama, al-mutaakhirin, wa alayhi yadul-umum, kalam al-mutaqaddimin. وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. Premier قول أن الكافر, que ce soit un كافر d'apparence, مثل un juif, un chrétien, etc. Ou un كافر qui faisait apparaître l'islam, un munafiq. Tant que c'est un كافر, c'est pas un mu'min, il verra pas Allah. Et ça c'est قول أكثر العلماء, المتأخري. Et ceux qui sont venus après l'époque du salaf. Et كذلك c'est قول عموم كلام المتقدمين. Enfin, cet avis, on peut dire, c'est l'avis, c'est la majorité des savants, ils ont choisi cet avis. Anna al-kafir al-munafiq, ils ne verront pas Allah. Ayyoum al-qiyam. Deuxième qawl. Al-qawl al-thani. Annahu yarahu man adhara al-tawhid min mu'mini hadhihi al-umma wa munafiqiha. Wadhalika fi arsat al-qiyam. Wahada qawl jama'atin min ahli sunnah minhum. Imamu al-a'immati Abu Bakr ibn Khuzaymah. Rahimahullah. صاحب كتاب التوحيد إلى أن ليفر كتاب التوحيد لابن خزيمة إسان ليفر في الأسماء والصفات C'est un grand imam. Hatta luqiba bi imam al-a'imma. C'est l'imam des imams. Ils l'ont appelé Ibn Khuzaymah, il est ma'rouf. C'est un grand imam de la sunna. Fahoua, il a choisi al-mu'min, bien sûr. Al-mu'minun, il n'y a aucun khilaf. L'unanimité, annahum, ils verront Allah, yawm al-qiyamah, fil jannah. Et kadhalik, il rajoute al-munafiq. Munafiq, kadhalik, il verra Allah. Il a fait apparaître l'islam, il verra Allah, et il va citer les preuves. Ala hadha al-qawl. Amma al-kafir, fala. Aïe, al-kafir qui fait apparaître le kufr. Al-yahoudi, al-nasrani, il verra pas Allah. Ça, c'est le deuxième qawl. ويدل على هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقولون أنا ربكم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. Donc هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين أن يوم القيامة restera cette umma avec les munafiqun et Allah subhanahu wa ta'ala y viendra. صفة المجيء ثابتة لله عز وجل. فيقولون مختصرا on cite pas le début فيأتيهم في صورته التي يعرفون أي الله سبحانه وتعالى viendra avec une sura qu'ils connaissent. Ça prouve qu'ils l'ont vu. Et si tu médites le hadith أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها أي il restera plus que cette أمة لكن il y aura كذلك المنافقون. Pourquoi? لأنهم ils ont fait apparaître l'islam. Enfin, au départ, ils resteront avec le mu'minoun. Thumma, bien sûr, avant de rentrer fil jannah, ils iront fil nar. Ce dalil, Ibn Khuzayma, il a choisi ce dalil pour démontrer qu'il y a une différence entre le munafiq et le kafir. Ça ne veut pas dire hada, et on va préciser, ça ne veut pas dire hada, anna pour le munafiq, ça sera une récompense, ou c'est un plus par rapport au kuffar. Là. Ceux qui ont dit que le munafiq ou le kafir, et verra Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah fi al-haqiqa c'est un azab pour lui لأن il verra Allah Azza wa Jal ثم il rentre fin nar et il ne le verra plus jamais. Bel ba'd ahl al-ilm ils disent que c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. C'est pour ça que on verra que al-qawl al-thani wa al-thalith il est plus fort. Awalan yad adilla et كذلك si tu médites bien القول الأول pourquoi ils ont dit que الكافر المنافق il verra pas Allah. Bien sûr autre que avec les ils ont des preuves et كذلك ils ont dit أن la vision d'Allah c'est une récompense. المنافق الكافر il n'a pas de récompense. فالحقيقة le fait de voir Allah عز وجل ثم il y a un hijab ثم يطرح في النار et il voit plus jamais Allah عز وجل c'est encore plus difficile. Léanna, il sait qu'il ne le verra plus jamais. Alors que le fait de voir Allah Azza wa Jal, c'est une ni'ma azima, c'est un thawab azim. Donc, fil haqiqa, comme il va démontrer Ibn al-Qayyim, hada c'est ashad. Qala, fa fi qawlihi, fa yatihim fi suratihi allati ya'rifun, dalilun ala annahum qad ra'awhu fi ardi al-mahshar. Ça démontre anna, auparavant, ils avaient vu Allah fi ardi al-mahshar. Thumma, cette étape, quand cette chose elle va venir et elle va leur dire je suis Allah, ils vont dire non, t'es un menteur. Pourquoi? Les annahum ils ont vu Allah, ils savent que cette chose c'est pas Allah. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala il vient et ils le voient et fi hada al-hal ils diront na'am, c'est Allah azza wa jalla. Ça montre qu'ils l'ont vu. Et si tu médites le hadith wa tabqa hadhihi al-umma wa fiha munafiquha, les munafiqun ils sont encore présents fi hada al-hal, donc ils verront Allah azza wa jalla. Ça c'est qawl Ibn Khuzaymah wa ba'd ahl al-ilm. قال بل قد جاء في حديث أبي سعيد أيضا في الصحيحين deuxième preuve حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. هذا الحديث il est précisé clairement في الصحيحين أنهم ils verront Allah عز وجل alors qu'ils l'ont déjà vu auparavant. فَفِيهَا الرُّؤْيَا cette riwaya. قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتَّبِعَ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدْ وَالدَّلَالَةُ مِنْ قَوْلِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا ظَاهِرٌ عَلَى ذَلِكَ. Donc cette riwaya في الصحيحين عن أبي سعيد elle est claire, annahum, ils ont vu. Et on répète, annal munafiqoun, ils sont présents. Ça, c'est le qawl al-thani. Fa fil haqiqa, cette preuve, elle est wadiha. Je ne veux pas rejeter le hadith, il est sahihain, an Abi Huraira et an Abi Sa'id. Tu as deux riwaya, et fiha al-munafiqoun, et fiha lafd al-ru'ya. Donc, هذا القول pour l'instant, il est aqwa. Lakin, pourquoi ils ont fait sortir al-kuffar? Pour l'instant, le délit qu'on a, on a le mu'minoun, c'est clair, il y a l'unanimité, et on a le munafiqoun, on a ces deux preuves. Donc, pour l'instant, nous, on dit al-mu'min et al-munafiq, comme il a dit Ibn Khuzaymah. Lakin, pourquoi on n'a pas fait rentrer al-kuffar? Il faut voir, est-ce qu'il y a un délit, annahum, ils verront. Troisième qawl, anna al-kuffar, yaraunahu ru'ya ta'rif wa ta'zib, thumma yuhtajab anhum. أو ثم يحتجب عنهم ليعظم نعم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. troisième قول أن الكفار ils le verront ثم un hijab entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, ils le verront plus jamais et ils auront le châtiment éternellement. فالرؤية c'est pas une رؤية تنعيم comme le mu'minin أنهم ils verront Allah et c'est une récompense. Là c'est رؤية une vision لكن تعذيب c'est un châtiment في الحقيقة pour eux. لماذا لأنهم يغغتخون اكسترا. قالوا هذا قول وهذا القول قول أبي الحسن ابن سالم وأصحابه وغيرهم وهم الأصول كأنه يمكن الحرف في وهم في الأصول نعم ينتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبي سهل ابن عبد الله التستري رحمة الله عليه. donc ça c'est قول certains imams qui sont sur la عقيدة الإمام أحمد أي ils font partie de أهل السنة. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ce verset il est important. Ibn al-Qayyim il va démontrer pourquoi il est important. لأن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى démontre أن الإنسان il rencontrera chaque être humain il rencontrera Allah عز وجل. Ibn al-Qayyim il va montrer أن اللقاء en arabe quand tu dis je rencontre ça veut dire que tu le vois. C'est ça l'asl. Sauf s'il y a une preuve, annahu, il est aveugle, annahu, il y a un obstacle. Mathalan, anta, en langue arabe, tu dis, j'ai rencontré Cheikh Fulan. Est-ce que tu l'as vu? Non. Là-bas, c'est que tu l'as vu. Si tu rencontres quelqu'un, c'est que tu l'as vu. Tu ne vas pas le rencontrer et il est dans un endroit et tu es dans un autre. Là, j'ai rencontré une personne, c'est que je le vois. Donc pour eux, famulaqi, ils rencontreront Allah, ça veut dire qu'ils le verront. وقوله تعالى واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين اي sachez que vous le rencontrerez et annonce la bonne nouvelle aux croyants. ça te montre ان المؤمنون rencontreront Allah, ils le verront et c'est une récompense pour eux. الكفار ils le rencontreront et ils le verront لكن c'est un châtiment pour eux. le troisième avis se sont basés sur ces deux versets et un autre كذلك un hadith وبقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وبقوله ولقاؤك c'est ça le شاهد أي الله c'est أنت الحق c'est toi la vérité ووعدك الحق ta promesse elle est véridique ولقاؤك حق أي ta rencontre elle sera véridique. ça montre que chaque être humain rencontrera Allah عز وجل et la rencontre c'est une vision أي s'il y a une rencontre c'est qu'il y a une vision sauf s'il y a un délit qui montre, matalan, une rencontre et pas de vision. Lakin, les versets, fil haqiqa, on n'a pas ce dalil qui montre qu'il n'y aura pas de vision. Donc, on reste sur la rencontre, al-liqa. Qala, wa bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi ma rawahu muslim an abi hurayra radiyallahu anhu wa fihi fa walladhi nafsi biyadih la tudarruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Qala, fa yulqa al-abd fa yaqul, ayu ful, ayu fulan. C'est un diminutif de fulan. ألم أكرمك وأسودك أسودك أي أجعلك سيدا على غيرك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس أو ترأس وتربع ترأس أي ça vient de الرياسة فيقول بلى أي الله سبحانه وتعالى سيت أسعب toutes les نعم. Je t'ai donné, je t'ai marié, c'est moi qui t'a donné. Su'ad, il reconnaîtra, il dira na'am. Fayaqulu bala. Bala, huna, ça veut dire na'am. Qala fayaqul, afadhananta annaka mulaqiyya. Est-ce que tu pensais que tu allais me rencontrer? C'est ça, shahid. Et la rencontre, on a dit en langue arabe, c'est une vision. كذلك. S'il y a une rencontre, c'est qu'il y a une vision. فَيَقُولُ لَا Et ce abd, il dira non. فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَى كَمَا نَسِيتَنِي فَإِنِّي أَنْسَى كَمَا نَسِيتَنِي. Ça, ça montre que le kafir, il rencontrera Allah Azza wa Jalla. C'est un verset clair. Bel, il parlera. Allah, il lui parlera. Il lui posera des questions. Al-Aslu, cette rencontre, c'est qu'il y a une vision. C'est ça le haqq. Fi hadhihi al-mas'ala, comme il va démontrer Ibn al-Qayyim. Qala Ibn al-Qayyim, rahimahullah. وَأَجْمَعَ أَهْلُ اللِّسَانِ عَلَى أَنَّ اللِّقَاءَ مَتَى نُسِبَ إِلَى الْحَيِّ السَّلِيمِ مِنَ الْعَمَى وَالْمَانِعِ اقْتَضَى الْمُعَايَنَةَ وَالرُّؤْيَةَ. L'unanimité de أهل اللسان, des gens, des savants de la langue arabe, et même autre que la langue arabe. C'est pour ça qu'il n'a pas dit أهلو اللغة العربية, il a dit أهل اللسان. Quand tu dis rencontre liqa, c'est que il y a une vision, sauf si il y a un dalil, cette personne elle voit pas, ou il y a un dalil qui est un obstacle, etc. Et puis la haqiqa, on n'a pas هذا. قال انظر هذه الارواح وهذا القول هو الذي صرح به ابن القيم في هذه الارواح. Donc Ibn Qayyim رحمه الله عليه, il a choisi le troisième قول. Et ça englobe même الكافر. حيث قال فقد دلت الاحاديث الصحيحه على ان المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامه. On a hadith Abi Sa'id et hadith Abi Huraira fi sahihayn. Il les a cités. Donc pour le munafiq, les adillah, ils sont wadiha. Bal wal kuffar aidan kama fi sahihayn fi hadith at-tajalli yawm al-qiyamah. On l'a lu, le hadith. Anna cette rencontre. Et al-huna na'am, il a cité un autre hadith, at-tajalli yawm al-qiyamah. Wa qad ashara Sheikh al-Islam rahimahullah ila tarjih hadha al-qawl. Sheikh al-Islam kadhalik, Ibn Taymiyyah, il a choisi le troisième qawl. Fa qala na'am. رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة. C'est ça le résumé de notre cours là. رؤية الله بالأبصار, avec les yeux bien sûr. On parle pas de رؤية قلبية. رؤية avec les yeux pour les مؤمنين في الجنة. Il y a aucun خلاف, c'est واضح. وهي أيضا للناس في عرصات القيامة. أما أرض المحشر, هي la terre où tout le monde sera jugé, ça sera pour tout le monde. لكن pour le مؤمن, ça sera une bouchra, ça sera une bonne nouvelle, et ça sera le début de la récompense. Et pour Al-Kafir et Al-Munafiq, ça sera hasra, des regrets. L'an, il a vu Allah Azza wa Jal. Ta'ammalou. Annahu, il voit Allah Azza wa Jal, il lui a désobéi. Et il sait l'an que Allah, il va le châtier. Et il a vu. Et après tout ça, il ne verra plus jamais Allah Azza wa Jal et il va éternellement en enfer. C'est un adab chadid. C'est pour ça que c'est le qawl al-sahih. قال انظر مجموع الفتاوى وقد جزم بهذا القول ايضا محمد بن خليل الهراس في شرحه للواسطيه. C'est un grand savant égyptien رحمه الله عليه, il a un شرح طيب على الواسطيه. وقد استدل اهل القول الاول بقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Il manque cette مساله et on finit, on conclut بهذا انه اصحاب القول الاول, ils ont dit لكن الله سبحانه وتعالى قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Aïe, ce jour-là, il y aura un hijab entre eux et Allah. Donc ils ont dit, ils ne verront pas Allah. فَرَدَّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْقَوْلِ الثَّالَثِ ابْنُ الْقَيِّمْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ Cheikh al-Islam al-Taymiyyah et d'autres, ils ont répondu. كذلك Cheikh Khalil Harras, dans son charh, ils ont répondu. وَقَالُوا الْحُجْبْ الْمَذْكُورْ بَعْدَ الْمُحَاسَبَ. Est-ce que si un hijab, ça veut dire qu'il n'y a pas une vision avant? Abadan. Entre nous, l'un, on peut mettre un hijab et vous m'avez vu avant. ثُمَّ يَا حِجَاب. Donc le fait qu'il y ait un hijab, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vision avant. Là. Il n'y a aucun dalil à la. قال الحجب والمذكور بعد المحاسبة فإنه قد يقال حجبت فلان عني وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية. Ibn Qayyim dit, on peut très bien dire qu'il y a un hijab entre nous, on met un voile, tu ne me vois plus, ou un mur ou autre, et avant tu m'as vu. Il n'y a aucune chose qui contredit le dalil. والذي يظهر لنا والعلم عند الله أن هذا القول الثالث هو الراجح والله أعلم. ثم il a cité les références. الفتاوى de Cheikh al-Islam le Taymiyyah, il a cité cette مسألة. Ibn al-Qayyim fi Hadi al-Arwah, et كذلك Cheikh Khalil al-Harras fi Sharh al-Wasatiyya. والله تعالى أعلم. Et في الحقيقة, ça c'est كذلك توسع. Pour un débutant, ça peut être compliqué, لكن Inch'Allah khair. Ces مسائل, celui qui continuera l'étude de l'Aqidah, il les verra en détail fi Sharh al-Wasatiyya et fi Sharh al-Tahawiyya. Et cette khulasa, elle est tayyiba. Donc, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est le qawl al-thalith. Annahum, ils verront Allah, lakin ru'yat ta'zib. Et ça sera un châtiment pour eux et des regrets. Hada huwa al-qawl sahih, limada li anna, on a des adillah. Ça te montre, anna sunni, La règle qu'on a citée, on l'a appliquée avec notre exemple. Beaucoup de nous, Obama, ils pensent que c'est ce qu'on a appris à la base, c'est que le mu'min il verra Allah, le kafir et le munafiq ils verront pas Allah. Mais si tu étudies le masal al-an, comme il a fait Ibn al-Qayyim, comme il a fait Ibn Taymiyyah, comme il a fait Cheikh Khalil Harras et d'autres, parmi les contemporains et les anciens, reste avec le dalil. Dalil, il y a le munafiq, il a vu. On dit le munafiq. Kadalik, la langue arabe, les adilla, il montre que le kafir il a vu. Il a vu. Est-ce que ça contredit des textes là? Est-ce que ça implique une récompense là? C'est le qawl as-sahih. Wallahu a'lam. Et celui qui prend le qawl awwal ou thani, fala yunkar alayh. Ça c'est important. Comme il a démontré chez l'islam, on a ce genre de mas'ala. Si un frère, un cheikh, il choisit un autre avis, ça ne veut pas dire que c'est un égard. Là, il a pris son avis. S'il a le délit, il est convaincu. Alhamdulillah. L'essentiel, c'est qu'on est tous d'accord. Mada anna ru'yat Allah thabita. C'est ça l'essentiel. C'est que Allah il va être vu, Azza wa Jal, yawm al-qiyamah fil jannah. Lakin il y a un khilaf entre le sunnah, qui c'est qui va le voir? Le mu'minoun, ils sont d'accord, lakin le munafiq et le kafir, est-ce qu'il va le voir? Amma al-mubtadi', aslan huwa idila, comme on a vu. L'antarani, pour lui, Allah il ne sera pas vu. C'est ça la différence. Donc il faut bien mettre chaque chose à sa place. Hayyakum Allah, subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.